Don Cristoval et moi, nous luttions de force et de fierté. Je dévorais mes larmes. Je suis une turée crémata. J'ai en moi la puissante dissimulation de ma race qui est italienne. Et je me bronzais, jusque dans les yeux, pour qu'il ne pût pas soupçonner ce qui fermentait sous ce front de bronze où couvait l'idée de ma vengeance. Je fus absolument impénétrable. Grâce à cette dissimulation, qui boucha tous les jours de mon être par lesquels mon secret aurait pu filtrer, je préparais ma fuite de ce château, dont les murs m'écrasaient, et où ma vengeance n'aurait pu s'accomplir que sous la main du duc, qui se serait vite levé. Je ne me confiais à personne. Est-ce que jamais mes duègnes ou mes caméristes avaient osé lever leurs yeux sur mes yeux pour savoir ce que je pensais? J'eus d'abord le projet d'aller à Madrid, mais à Madrid le duc était tout-puissant, et le filet de toutes les polices se serait refermé sur moi à son premier signal. Il m'y aurait facilement reprise, et reprise une fois, il m'aurait jeté dans l'impasse de quelque couvent. Étouffé là, tué entre deux portes, supprimé du monde, de ce monde dont j'avais besoin pour me venger. Paris était plus sûr. Je préférais Paris. C'était une meilleure scène pour l'étalage de mon infamie et de ma vengeance. Et puisque je voulais qu'un jour tout cela éclatât comme la foudre, quelle bonne place que cette ville, le centre de tous les échos, à travers laquelle passent toutes les nations du monde. Je résolus d'y vivre de cette vie de prostituée, qui ne me faisait pas trembler, et d'y descendre impudemment jusqu'au dernier rang de ces filles perdues qui se vendent pour une pièce de monnaie, fût-ce à des goujats. Pieuse comme je l'étais avant de connaître Esteban, qui m'avait arraché Dieu de la poitrine pour s'y mettre à la place, je me levais souvent la nuit sans mes femmes, pour faire mes oraisons à la Vierge noire de la chapelle. C'est de là qu'une nuit je me sauvais, et gagnais audacieusement les gorges des Sierras. J'emportais tout ce que je pus de mes bijoux et de l'argent de ma cassette. Je me cachai quelque temps chez des paysans, qui me conduisirent à la frontière. Je vins à Paris. Je m'y attelai sans peur à cette vengeance qui est ma vie. J'en suis tellement assoiffé de cette fureur de me venger que parfois j'ai pensé à affoler de moi quelque jeune homme énergique et à le pousser vers le duc pour lui apprendre mon ignominie. Mais j'ai fini toujours par étouffer cette pensée, car ce n'est pas quelques pieds d'ordure que je veux élever sur son nom et sur ma mémoire, c'est toute une pyramide de fumier. Plus je serai tard vengé, mieux je serai vengé. Elle s'arrêta. De livide, elle était devenue pourpre. La sueur lui découlait des tempes. Elle s'enrouait. Était-ce le croup de la honte? Elle saisit fébrilement une carafe sur la commode et se versa un énorme verre d'eau qu'elle lampa. « Cela est dur à passer, la honte, dit-elle, mais il faut qu'elle passe. J'en ai assez avalé depuis 3 mois pour qu'elle puisse passer. » Il y a donc 3 mois que ceci dure, il n'osait plus dire quoi, fit Tressigny avec un vague plus sinistre que la précision. « Oui, dit-elle, 3 mois. Mais qu'est-ce que 3 mois ? Ajouta-t-elle. Il faut du temps pour cuire et recuire ce plat de vengeance que je lui cuisine, et qui lui paiera son refus du cœur d'Esteban, qu'il n'a pas voulu me faire manger. » Elle dit cela avec une passion atroce et une mélancolie sauvage. Tressigny ne se doutait pas qu'il pût y avoir dans une femme un pareil mélange d'amour idolâtre et de cruauté. Jamais on n'avait regardé avec une attention plus concentrée une œuvre d'art qu'il ne regardait cette singulière et toute-puissante artiste en vengeance, qui se dressait alors devant lui. Mais quelque chose qu'il était étonné d'éprouver se mêlait à sa contemplation d'observateur. Lui qui croyait en avoir fini avec les sentiments involontaires et dont la réflexion au rire terrible mordait toujours les sensations, comme j'ai vu les charretiers mordre leurs chevaux pour les faire obéir, sentait que dans l'atmosphère de cette femme, il respirait un air dangereux. Cette chambre pleine de tant de passions physiques et barbares asphyxiait ce civilisé. Il avait besoin d'une gorgée d'air, et il pensait à s'en aller, dût-il revenir. Elle crut qu'il partait, mais elle avait encore des côtés à lui faire voir dans son chef-d'œuvre. Et cela fit-elle avec un dédain et un geste retrouvé de duchesse, en lui montrant du doigt la coupe de verre bleu qu'il avait remplie d'or. « Reprenez cet argent, dit-elle, qui sait? Je suis peut-être plus riche que vous. L'or n'entre pas ici, je n'en accepte de personne. » Et avec la fierté d'une bassesse qui était sa vengeance, elle ajouta « Je ne suis qu'une fille à 100 sous. » Le mot fut dit comme il était pensé. Ce fut le dernier trait de ce sublime à la renverse, de ce sublime infernal dont elle venait de lui étaler le spectacle et dont certainement le grand Corneille, au fond de son âme tragique, ne se doutait pas. Le dégoût de ce dernier mot donna à Tressigny la force de s'en aller. Il rafla les pièces d'or de la coupe et n'y laissa que ce qu'elle demandait. « Puisqu'elle le veut, dit-il, je pèserai sur le poignard qu'elle s'enfonce et j'y mettrai aussi ma tache de boue, puisque c'est de boue qu'elle a soif. » Et il sortit dans une agitation extrême. Les candélabres inondaient toujours de leur lumière cette porte, si commune d'aspect, par laquelle il était déjà passé. Il comprit pourquoi était plantée là cette orchère, quand il regarda la carte collée sur la porte, comme l'enseigne de cette boutique de chair. Il y avait sur cette carte en grandes lettres la duchesse d'Arcos de Sierra Leone, et au-dessous un mot ignoble pour dire le métier qu'elle faisait. Tressigny rentra chez lui ce soir-là, après cette incroyable aventure, dans une situation si troublée qu'il en était presque honteux. Les imbéciles, c'est-à-dire à peu près tout le monde, croient que rajeunir serait une invention charmante de la nature humaine, mais ceux qui connaissent la vie savent mieux le profit que ce serait. Tressigny se dit avec effroi qu'il allait peut-être se retrouver trop jeune, et voilà pourquoi il se promit de ne plus mettre le pied chez la Ducèche, malgré l'intérêt, ou plutôt à cause de l'intérêt que cette femme inouïe lui infligeait. Pourquoi se dit-il retourner dans ce lieu malsain d'infection, au fond duquel une créature de haute origine s'est volontairement précipitée ? Elle m'a conté toute sa vie, et je peux imaginer sans effort les détails qui ne peuvent changer de cette horrible vie de chaque jour. Telle fut la résolution de Tressigny, prise énergiquement au coin du feu dans la solitude de sa chambre. Il s'y calfeutra quelque temps contre les choses et les distractions du dehors, tête à tête avec les impressions et les souvenirs d'une soirée que son esprit ne pouvait s'empêcher de savourer, comme un poème étrange et tout-puissant, auquel il n'avait rien lu de comparable, ni dans Byron, ni dans Shakespeare, ses deux poètes favoris. Aussi passa-t-il bien des heures accoudé au bras de son fauteuil, à feuilleter rêveusement en lui les pages toujours ouvertes de ce poème d'une hideuse énergie. Ce fut là un lotus qui lui fit oublier les salons de Paris, sa patrie. Il lui fallut même le coup de collier de sa volonté pour y retourner. Les irréprochables duchesses qu'il y retrouva lui semblèrent manquer un peu d'accent. Quoiqu'il ne fût pas une bégueule, ce Tressigny ni ses amis non plus, il ne leur dit pas un seul mot de son aventure, par un sentiment de délicatesse qu'il traitait d'absurde, car la duchesse ne lui avait-elle pas demandé de raconter à tout venant son histoire et de la faire rayonner aussi loin qu'il pourrait la faire rayonner? Il la garda pour lui, au contraire. Il la mit et la scella dans le coin le plus mystérieux de son être, comme on bouche un flacon de parfum très rare, dont on perdrait quelque chose en le faisant respirer. Chose étonnante, avec la nature d'un homme comme lui, ni au café de Paris, ni au cercle, ni à l'orchestre des théâtres, ni nulle part où les hommes se rencontrent seuls et se disent tout, il n'aborda jamais un de ses amis, sans avoir peur de lui entendre raconter, comme lui étant arrivé, l'aventure qui était la sienne. Et cette chose qui pouvait arriver faisait surgir en lui une perspective, qui dans les 10 premières minutes d'une conversation lui causait un léger tremblement. Nonobstant, il se tint parole, et non seulement il ne retourna pas rue basse du rempart, mais au boulevard. Il ne s'appuya plus, comme le faisaient les autres gants jaunes, les lions du temps, contre la balustrade de Tortoni. « Si je revoyais flotter sa diable de robe jaune, se disait-il, je serais peut-être encore assez bête pour la suivre. » Toutes les robes jaunes qu'il rencontrait le faisaient rêver. Il aimait à présent les robes jaunes, qu'il avait toujours détestées. « Elle m'a dépravé le goût, se disait-il, et c'est ainsi que le dandy se moquait de l'homme. » Mais ce que Madame de Staël, qui les connaissait, appelle quelque part les pensées du démon, était plus fort que l'homme et que le dandy. Tressigny devint sombre. C'était dans le monde un homme d'un esprit animé, dont la gaieté était aimable et redoutable, ce qu'il faut que toute gaieté soit dans ce monde, qui vous mépriserait si, tout en l'amusant, vous ne le faisiez pas trembler un peu. Il ne causa plus avec le même entrain. « Es-tu l'amoureux ?» disaient les commères. La vieille marquise de Clérambault, qui croyait qu'il en voulait à sa petite fille, sortit tout chaud du Sacré-Cœur, et romanesque comme on l'était alors, lui disait avec humeur. « Je ne puis plus vous sentir quand vous prenez vos airs d'Hamlet. » De sombre, il passa souffrant. Son teint se plomba. « Qu'a donc monsieur de Tressigny » disait-on, et on allait peut-être lui découvrir le cancer à l'estomac de Bonaparte dans la poitrine, quand un beau jour il supprima toutes les questions et inquisitions sur sa personne, en bouclant sa malle en deux temps comme un officier, et en disparaissant comme par un trou. Où allait-il? Qui s'en occupa? Il resta plus d'un an parti, puis il revint à Paris, reprendre le brancard de sa vie de mondain. Il était un soir chez l'ambassadeur d'Espagne, où ce soir-là, par parenthèse, le monde le plus étincelant de Paris fourmillait. Il était tard. On allait souper. La cohue du buffet vidait les salons. Quelques hommes dans le salon de jeu s'attardaient à un whist obstiné. Tout à coup, le partenaire de Tressigny qui tournait les pages d'un petit portefeuille d'écaille sur lequel il écrivait les paris qu'on faisait à chaque robe, y vit quelque chose qui lui fit faire le « ah » qu'on fait quand on retrouve ce qu'on oubliait. « Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, dit-il au maître de la maison, qui les mains derrière son dos regardait jouer, y a-t-il encore des Sierra Leone à Madrid ?»« Certes, il y en a, » fit l'ambassadeur. « D'abord, il y a le duc qui est de pair avec tout ce qu'il y a de plus élevé parmi les grandesses. Qu'est-ce donc cette duchesse de Sierra Leone qui vient de mourir à Paris, et qu'est-elle au duc ?» reprit alors l'interlocuteur. « Elle ne pourrait être que sa femme, » répondit tranquillement l'ambassadeur. « Mais il y a presque 2 ans que la duchesse est comme si elle était morte. Elle a disparu, sans qu'on sache pourquoi ni comment elle a disparu. La vérité est un profond mystère. » Figurez-vous bien que l'imposante duchesse d'Arcos de Sierra Leone n'était pas une femme de ce temps-ci. Une de ces femmes à folie, qu'un amant enlève. C'était une femme aussi hautaine pour le moins que le duc son mari, qui est bien le plus orgueilleux des ricos hombres de toute l'Espagne. De plus, elle était pieuse, pieuse d'une piété quasi monastique. Elle n'a jamais vécu qu'à Sierra Leone, un désert de marbre rouge, où les aigles, s'il en a, doivent tomber asphyxiés d'ennui de leur pic. Un jour, elle en a disparu, et jamais on n'a pu retrouver sa trace. Depuis ce temps-là, le duc, un homme du temps de Charles Quint, à qui personne n'a jamais osé poser la moindre question, est venu habiter Madrid. Il n'y a pas plus parlé de sa femme que de sa disparition, que si elle n'avait jamais existé. C'était en son nom une Turée Cremata, la dernière des Turée Cremata de la branche d'Italie. « C'est bien cela, » interrompit le joueur, et il regarda ce qu'il avait écrit sur un des feuillets de son calepin d'écaille. « Eh bien, » ajouta-t-il solennellement, « monsieur l'ambassadeur d'Espagne, j'ai l'honneur d'annoncer à votre excellence que la duchesse de Sierra Leone a été enterrée ce matin, et ce dont assurément vous ne vous douteriez jamais, qu'elle a été enterrée à l'église de la Salpêtrière, comme une pensionnaire de l'établissement. » À ces paroles, les joueurs tournèrent le nez à leurs cartes et les plaquèrent devant eux sur la table, regardant tour à tour effaré celui qui parlait et l'ambassadeur. « Mais oui, » dit le joueur, qui faisait son effet, « cette chose délicieuse en France. Je passais par là ce matin. » Et j'ai entendu le long des murs de l'église un si majestueux tonnerre de musique religieuse que je suis entré dans cette église, peu accoutumé à de pareilles fêtes, et que je suis tombé de mon haut, en passant par le portail, drapé de noir et semé d'armoiries à double écusson, de voir dans le chœur le plus resplendissant catafalque. L'église était à peu près vide. Il y avait au banc des pauvres quelques mendiants, et çà et là quelques femmes, de ces horribles lépreuses de l'hôpital, qui est à côté, du moins, de celles-là, qui ne sont pas tout à fait folles, et qui peuvent encore se tenir debout. Surpris d'un pareil personnel auprès d'un pareil catafalque, je m'en suis approché, et j'ai lu en grosses lettres d'argent sur fond noir cette inscription que j'ai ma foi à copier, de surprise, et pour ne pas l'oublier. « Sigi Sanzia Floranda Concepcion, de Turée Cremata, duchesse d'Arcos de Sierra Leone, fille repentie, morte à la Salpêtrière le... Requiescat in passé. » Les joueurs ne songeaient plus à la partie. Quant à l'ambassadeur, quoiqu'un diplomate ne doive pas être étonné, qu'un officier ne doive avoir peur, il sentit que son étonnement pouvait le compromettre. « Et vous n'avez pas pris de renseignements ? » fit-il, comme s'il eût parlé à un de ses inférieurs. « À personne, excellence, » répondit le joueur. « Il n'y avait que des pauvres. Et les prêtres qui peut-être auraient pu me renseigner chantaient l'office. D'ailleurs, je me suis souvenu que j'aurais l'honneur de vous voir ce soir. Je les aurai demain, » fit l'ambassadeur. Et la partie s'acheva, mais coupée d'interjections. Et chacun si préoccupé de sa pensée que tout le monde fit défaut parmi ses forts whisters et que personne ne s'aperçut de la pâleur de Tressigny, qui saisit son chapeau et sortit, sans prendre congé de personne. Le lendemain, il était de bonne heure à la Salpêtrière. Il demanda le chapelain, un vieux bonhomme de prêtre, lequel lui donna tous les renseignements qu'il lui demanda sur le numéro 119, qui était devenue la duchesse d'Arcos de Sierra Leone. La malheureuse était venue s'abattre où elle avait prévu qu'elle s'abattrait. À ce jeu terrible qu'elle avait joué, elle avait gagné la plus effroyable des maladies. « En peu de mois, » dit le vieux prêtre, « elle s'était cariée jusqu'aux os. » Un de ses yeux avait sauté un jour brusquement de son orbite et était tombé à ses pieds comme un gros sou. L'autre s'était liquéfié et fondu. Elle était morte, mais stoïquement, dans d'intolérables tortures. Riche d'argent encore et de ses bijoux, elle avait tout légué aux malades, comme elle de la maison qui l'avait accueillie, et prescrit de solennelles funérailles. « Seulement pour se punir de ses désordres, dit le vieux prêtre, qui n'avait rien compris du tout à cette femme-là, elle avait exigé, par pénitence et par humilité, qu'on mît après ses titres, sur son cercueil et sur son tombeau, qu'elle était une fille repentie. » Et encore, ajouta le vieux chapelain dupe de la confession d'une pareille femme, « par humilité, elle ne voulait pas qu'on mît repentie. » Tressigny se prit à sourire à mes romans du brave paraître, mais il respecta l'illusion de cette âme naïve, car il savait, lui, qu'elle ne se repentait pas, et que cette touchante humilité était encore après la mort de la vengeance.